AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Là, on est sur un plateau à 1000 mètres d'altitude, qui a un petit aspect steppique. Les arbres sont espacés avec des prairies un peu d'abandon, parce qu'on ne peut rien cultiver dessus, hein, c'est que de la caillasse là-dessous. Et donc, c'est un milieu très très varié et très chaud l'été. Et normalement, ça murmure. S'il y avait 5-6 degrés de plus, ça devrait murmurer de grillons des bois, là, actuellement. Plus le criquet vagance, la Corticus vagance, le criquet des pins. Ouais. J'avais enregistré l'année dernière, j'avais fait des belles prises. Des insectes et des hommes, de la capacité à écouter et à communiquer, de la cymbale à l'ultrason. Et donc là, au fur et à mesure qu'on avance, on change de milieu. Alors là, on est sur les grillons des bois, sur les grillons criquet des pins. Alors là, on est dans le domaine du criquet bourdonneur. Joli nom, hein. D'ailleurs, chez les criquets, souvent, il y a une allusion au son qu'ils émettent. On a le criquet cigalin, qui fait un tchit-tchit-tchit, un peu comme une cigale. Le criquet jacasseur. On a le criquet duettiste. On a le criquet mélodieux. Les scientifiques, pour les décrire, se sont souvent inspirés des sons qu'ils émettent. Donc, vous voyez le paysage qui s'ouvre. Fernand de Roussen. Bien souvent, je viens m'asseoir sur ce caillou. Audio naturaliste. Et je viens regarder le coucher de soleil. Donc, caillou de méditation, de contemplation. Et puis après, je regarde le coucher de lumière, qui se succède en fait à une demi-heure, les uns derrière les autres. Et puis là, j'écoute le silence, j'écoute le vent. Mais le silence, c'est un espace. C'est aller loin, le silence. C'est aller très très loin. Tu vois, Jean, si tu t'assois à côté de moi, il me faut un petit coussin, je suis persuadé que j'arrive à te motiver pour entendre la Méditerranée d'ici. Mais, la mer du Nord, tant pis. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, allons-y. Tu te poses, tu laisses aller ton écoute aux sources les plus proches. Maintenant, tout en fermant les yeux, tu laisses aller ton écoute, tu commences à la propager dans l'espace, à l'élargir. Là, le chien, il est fort, hein, du coup. Maintenant, est-ce que tu entends autre chose que le chien? J'entends mes acouphènes. Ouais. Moi, j'entends une voiture au loin, au col de Cabre, qui doit être à 6-7 km déjà, qui est en train de descendre le col de Cabre. Mais parce que je sais que le col de Cabre est là. Alors là, les chiens perturbent, hein. C'est vrai qu'ils sont très forts. Maintenant, va encore plus loin. Pousse dans le ciel, pousse dans les nuages, pousse loin, loin, loin. T'entends pas un fond de torrent? J'entends même une maison juppée. Et la Méditerranée, tu ne l'entends pas? Ben non, on ne peut pas l'entendre, la Méditerranée, bien sûr. Fermez les yeux. Nous sommes dans un monde humide, aqueux, rempli d'échos surnaturels. Gémissements, crépitements, gazouillis. Il y a là des animaux qui stridulent, en contrepoint, s'appellent, se répondent, dans une activité débordante. Mais lesquels ? Quand je capture, je suis obligée de capturer l'insecte qui m'intéresse, de le mettre dans une boîte et avec la plante sur laquelle il se nourrit. Je mets des écouteurs et j'attends qu'elle veuille bien dire quelque chose. Et ça peut prendre longtemps, très longtemps. Adeline Soulier, enseignante-chercheuse au Muséum, spécialiste des hémiptères. La dernière que j'ai enregistrée, c'était une espèce cavernicole à Madagascar. On a mis 2 jours et demi avant qu'elle veuille bien dire quelque chose. Alors c'était la joie et en même temps le maintien du silence dans la grotte quand on a commencé à enregistrer ça, parce qu'effectivement, elles se sont mises à communiquer. Après, ça faisait un bal sonore. C'était... Quand on parle d'insectes, souvent, il faut essayer d'arrêter de penser comme des humains. La bouche ne produit pas de son, sauf dans un cas assez unique qui est un sphinx. Donc un papillon de nuit, hein, qui produit des sons par expiration. Voilà. Mais sinon, la modalité la plus commune, c'est le frottement de deux parties l'une contre l'autre. On dit que les insectes stridulent. Jérôme Sueur, éco-acousticien au muséum. Et donc, ça peut être les deux ailes, l'une au-dessus de l'autre. C'est le cas notamment des grillons, des sauterelles. Ça peut être l'aile contre une patte. C'est le cas des criquets. Des pièces buccales contre le thorax. Des parties du thorax, l'une contre l'autre. Voilà, différentes parties peuvent produire des sons. Donc voilà, le pénis chez cette petite punaise aquatique. Il y a d'autres modalités. Certains insectes vont taper. Ils vont se taper la tête, par exemple. L'horloge de la mort, qui est, ou la vrillette, qui est un petit insecte qu'on trouve dans les meubles et qui fait des petits dégâts. Voilà, elle se tape la tête contre le plafond du meuble. C'est un signal de communication. Les cigales font du son de manière très particulière avec ce qu'on appelle des cymbales. Ça a la forme d'un ballon de rugby, renforcé par des petites côtes sclérifiées, un peu rigides. Et il y a un gros muscle derrière qui va tirer sur ce ballon de rugby, qui va déformer les côtes les unes après les autres. Et chaque côte, en se déformant, va faire un clic. C'est un peu comme quand on prend une barrette, qu'on la met ou qu'on la fait, ça fait clic-clic. Voilà, c'est à peu près le même système. Mais c'est un système qui est donc unique parce qu'il n'est dédié que à produire du son. Alors que chez les autres, ce sont des appareils qui sont dérivés, en fait. Enfin, ce sont les ailes qui sont plutôt utilisées pour le vol, ou les pattes pour la locomotion, et dont la fonction sonore est presque secondaire. Hein. Chez les cigales, ça ne sert que à produire du son. Et puis, il y a tous les insectes qui dansent sur les plantes et qui produisent aussi des sons dans les plantes. Et en fait, on entend le jeu entre... Ils sont plusieurs. Et donc, j'avais plusieurs spécimens, parce qu'en fait, au début, le premier jour, j'ai mis un spécimen dans ma boîte pour être sûr que c'était bien lui qui allait chanter. Et puis, au fur et à mesure que les heures passent et les jours passent, je me disais, mais ils veulent rien me dire. Finalement, à la fin, j'ai mis 4 ou 5 spécimens dans la même boîte, et on entend qu'ils se répondent. Et ce petit objet qui est monté sur un manche en bois, en fait, c'est une aiguille qui permettait de lire les 33 tours. Un saphir. Ouais. Relié à un petit amplificateur. Est-ce qu'on l'entend ? Ces vibrations vont passer par la plante et les autres membres de sa communauté vont recevoir le signal. Alors c'est souvent un signal sexuel pour que les mâles cherchent les femelles, mais ça peut être aussi des signaux d'alarme pour dire qu'il y a un prédateur dans le coin, ou des vibrations de rivalité pour dire « je suis ici, va voir ailleurs, tu me déranges ». Les insectes s'adaptent parfaitement aux conditions sonores du milieu. Ainsi, la courtilière, là, c'est évident, elle creuse un double tunnel et elle va se mettre à la fourche pour émettre un son qui va être à son maximum à 40 cm de hauteur, donc à maximum 125-140 dB, quoi, très très fort. Si tu t'éloignes de 20 cm, pof, ça chute à 80 dB. Et la raison est simple, les femelles passent en vol, et quand elles passent sur ce rayon sonore, paf, elles sont subjuguées, elles tombent là, et puis elles vont rejoindre le mâle, et c'est comme ça que se fait la reproduction chez les courtilières. Tu as aussi l'exemple du grillon des torrents, qui vit donc dans le brouhaha, enfin dans le murmure du torrent permanent. Quand il chante, ça fait un zzzz qui monte, qui monte, qui monte, et qui à un moment sort totalement du bruit du torrent. Et alors là, il devient parfaitement perceptible et audible vis-à-vis des autres grillons. Et après, tu as même les grillons qui jouent avec les crevasses dans les champs. Le grillon bordelais, par exemple, il descend, il remonte dans la crevasse pour donner une acoustique très particulière à son son. Et sous les tropiques, on a des grillons, alors ça, c'est des champions. Ils vont au milieu d'une feuille, ils percent un petit trou, ils s'installent là et ils font amplification avec la feuille, ils font parabole. Et donc, du coup, tu entends un son, un truc très très fort. Tu t'approches et tu vois un truc de 2 mm, 3 mm, tu dis c'est pas possible quoi. Les grillons ici, là, sur tout ce plateau, les grillons clochettes, j'ai bien remarqué, ils ont un territoire qui est la limite sonore de perception, de dynamique de chacun des individus. Les grillons champêtres aussi, c'est pareil, ils ne seront pas à 10 ou 20 cm l'un de l'autre. Non, ils vont tout de suite être à 1 ou 2 mètres. Et il y a vraiment une limite, un minimum comme ça, où à un moment, s'ils sont ensemble, ils vont se superposer et donc se gêner. Alors il faut qu'ils aient chacun leur espace particulier, et là-dedans, les femelles se promènent, se baladent, et puis choisissent les meilleurs chanteurs et ceux qui seront bons pour l'accouplement. Ouais. La biodiversité sonore, c'est quelque chose de vraiment incroyable, et c'est une source d'inspiration pour les musiciens depuis toujours. Jean Plincignon, je ne suis ni ornithologue ni entomologiste, mais je suis musicien. Je m'intéresse à l'aspect musical des sons de la nature et j'utilise les sons des insectes, des oiseaux, comme matière sonore pour créer ma musique à moi. Oui, donc je suis Fernand de Roussen, audio-naturaliste. J'aime maintenant à me dire compositeur audio-naturaliste parce que tous les sons que je place, peut-être que je ne les transforme pas, mais au moins je les mets dans une composition de création pour permettre ensuite à l'auditeur d'avoir un rendu sonore. Et ce qui m'intéresse, c'est l'esthétique, la contemplation, l'émerveillement. Ma motivation, c'est avant tout l'équilibre, c'est avant tout la reconstitution de ce que va entendre l'auditeur par plaisir. Alors, je suis audio-naturaliste et non pas bioacousticien. Le bioacousticien travaille sur la science des sons de la nature, le pourquoi du comment. On peut utiliser la sonothèque du muséum, qui est donc une collection numérique qui contient presque 20 000 sons d'histoire naturelle, essentiellement déposé par Fernand de Roussen, un audio-naturaliste, mais pas uniquement. Et donc on va aller chercher la cigale rouge, de son petit nom latin Tibicina hematodes. Alors c'est pas la cigale la plus commune, la plus facile à trouver, elle est plutôt dans les arbustes, dans les arbres, mais elle fait un son assez intense. Là, typiquement, donc c'est un mâle qui appelle et il rentre en compétition pour l'accès aux femelles. Voilà. Donc là, souvent, quand il y a un mâle qui commence, il va déclencher un autre mâle qui est à côté et ça va déclencher une forme de cœur, alors qui est plus ou moins synchrone. Il y a aussi certains mâles qui sont assez rusés, qui ne vont pas chanter, mais qui vont se mettre derrière un mâle qui chante et qui, quand la femelle arrive, passe sur le côté et intercepte la femelle. Ça s'appelle des mâles satellites, c'est une stratégie qui vaut ce qu'elle vaut, qui peut être pas mal. Ils sont malins, on peut dire ça. Je suis Jérôme Sueur, je suis enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. On est donc au laboratoire qui regroupe notamment beaucoup d'entomologistes. Alors, moi, je ne suis pas vraiment entomologiste. À la base, je fais du comportement animal. Donc, j'ai étudié comment les animaux communiquent avec le son, ce qu'ils se disent avec le son, et j'ai commencé par les cigales. Donc c'est aussi pour ça que je suis dans ce bâtiment, parce qu'il y a toute une collection de cigales de l'autre côté du couloir. Et puis maintenant, alors je fais un peu moins de comportement, je fais de l'écologie, mais par le son, c'est-à-dire qu'on écoute les environnements sonores. Nous, c'est le plus souvent des forêts, et on essaye d'en déduire quelles sont les espèces présentes, notamment d'insectes, mais pas que des insectes, et de suivre les paysages sonores au cours du temps, comment ils évoluent, est-ce qu'ils évoluent ou pas dans la bonne direction, en fonction de différents facteurs. Sinon, d'autres originalités dans les comportements des insectes. Les cigales ont des grands tympans dans les premiers segments de leur abdomen. C'est assez joli à voir, je pourrais essayer de vous en montrer. C'est des membranes très très fines et ça, on a étudié leur mode vibratoire, comme le mode vibratoire de la membrane d'un tambour, d'un djembé. On fait ça avec un laser et donc on a pu voir comment ces tympans vibraient, comment ils recevaient les fréquences, quelles fréquences ils recevaient. Est-ce que, justement, pour essayer de savoir si est-ce que les cigales A entend la cigale B ou est-ce qu'elle entend la voix humaine, par exemple? Ah oui, et alors la réponse, est-ce qu'elles s'entendent? Est-ce qu'elles nous entendent? Est-ce qu'elles écoutent? Alors elles entendent dans des bandes de fréquences qui leur sont propres et qui souvent correspondent, alors plus ou moins précisément, à leur propre chant, sur leur propre fréquence. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le signal d'un mâle, le chant d'un mâle, si vous voulez, je l'ai modifié. Je l'ai fait plus grave, plus aigu, comme ça, par des expériences dites de repasse, on arrive à savoir ce qui est important pour la cigale dans le son. Et notamment pour cette cigale rouge, on peut produire un son qui est extrêmement simple, presque un bip, et ça déclenche les autres mâles de manière spectaculaire, plus forte finalement que le signal naturel. On dit qu'on crée un hyper-stimulus parce qu'on a en fait enlevé du bruit. Les cigales produisent des sons avec des petites impulsions qui se suivent les unes derrière les autres, et ces impulsions ne sont pas toutes hyper régulières. Il y en a qui sont plus ou moins longues, plus ou moins fortes, et c'est cette irrégularité qui crée le bruit dans le son des cigales. Et quand on enlève ce bruit, on crée un signal qui est presque pur, qui n'est pas forcément agréable pour notre oreille, mais qui déclenche un comportement de compétition encore plus fort. Il suffit de diffuser ça. Ça leur suffit, il y a l'information contenue dans le signal pour leur dire c'est mon espèce. Olivier Bétou. J'essaie d'en trouver des jolies. Paléo-entomologue au muséum. Mais ça me sert de référence quand je trouve des fossiles. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une aile de grillon femelle. Mais tout de suite, vous savez que c'est une aile de... Ah, bah, c'est un peu... La troisième nervure en partant de la droite, c'est un peu mon boulot. Hein. L'apparition de la stridulation, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. On connaît les organes qui servent à cette stridulation. Donc, en gros, vous avez un grillon, et comme une grande sauterelle verte, le grillon a sur la face ventrale de l'aile une petite rangée de dents qui frotte sur une cale sur l'autre côté de l'aile. Donc ça frotte, donc les dents tac tac tac tac tac tac. Et cette vibration, elle fait vibrer des grands haut-parleurs qu'il y a sur les ailes. C'est des grandes cellules de membrane. Et ouh ouh, et puis après. En termes de morphologie, visiblement, l'apparition de ce comportement a vraiment fondamentalement modifier la morphologie des ailes de ces insectes. Bah oui, parce qu'il faut que vous ayez un haut-parleur pour faire votre son. Puis des fois, il y en a plusieurs. Il y en a des fossiles, alors là, je n'en ai pas à vous montrer parce qu'on n'en a pas en collection. D'une manière totalement différente, c'est plusieurs grandes cellules allongées en plein milieu de l'aile. Mais on ne sait pas comment ils le faisaient vibrer. Et on appelle ça des titanoptères. Il y a quelques grandes sauterelles vertes actuelles qui peuvent être aussi grosses. Et ça, c'est du Trias. Donc, ouais, il doit avoir 230 millions d'années. Mais en termes de grand événement pour l'évolution des insectes en général, c'est un petit événement. Haut-parleur. On devrait en avoir par ici, à moins qu'il y ait que des femelles. Ça, c'est un mâle. Dans la plupart des cas, chez les orthoptères, les haut-parleurs, ils sont présents seulement chez les mâles. C'est eux qui attirent les femelles. Il y a quelques groupes où ils font des duos mâles-femelles. Le haut-parleur en question, il est là. C'est cette grande cellule qui est ici. Ça, c'est donc un tétigonide, donc apparenté à la grande sauterelle. Pour atteindre des fréquences de son très élevées, ils ont fermé la cellule sur l'autre aile. Le grillon, lui, il en a des deux côtés et il se débrouille pour que le son de l'une n'efface pas le son de l'autre. Parce que s'ils sont en antiphase, ça fait plus de bruit. Comme eux, ils veulent faire des sons très très aigus, ils vont très vite et c'est difficile de coordonner les deux cellules. Donc la meilleure façon, c'est de fermer l'une et garder que l'autre. Nous sommes dans un pin à pignon d'environ 9 mètres, au nord du Nouveau-Mexique, en dessous de l'écorce, au cœur d'un monde, chez les scolites, aussi gros que des grains de riz. C'est aussi la trace sonore d'une épidémie. La dynamique adaptative extrêmement efficace de ces insectes amène le système de peuplement au-delà du seuil d'équilibre. David Dunn appelle cela le changement climatique entomogénique. Les femelles, attirées par les signaux des mâles, se rassemblent sur les arbres affaiblis. Elles arrivent par milliers pour pondre leurs œufs, faire éclore leurs larves, percer les galeries. Elles interrompent le flux ascendant des fluides et des nutriments. Le champignon bleu qu'elles transportent obstrue le système de l'arbre. Vous entendez les ravageurs se frayer un chemin, les stridulations des femelles avec leurs petites crêtes sur la tête qu'elles frottent contre un grattoir sur la partie avant de leur protothorax. Jean Poinsignon. Qui intéresse un audio naturaliste comme Fernand ou un musicien comme moi, c'est pas forcément des sons générés par un organe spécifique dédié au son, mais ça peut être un bruit de mastication, oui, exactement, tout prosaïque et tout ça. Mais nous, on peut l'entendre comme quelque chose de merveilleux, de musical. Hein. Oui. Moi, je l'entends aussi comme information. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je me promène dans la nature, tout est langage. Comme on peut apprendre l'anglais, comme on peut apprendre le japonais, comme on peut apprendre n'importe quelle langue humaine. Moi, j'ai appris la langue sauvage. Enfin, au moins en France, hein, au moins en Europe. Tout ce qui est émis, je lui donne une signification. Pour moi, c'est une information. Et immédiatement, je sais ce qui se passe. Tu vois, tout à l'heure, quand on mangeait, la maison, j'ai arrivé, il y a eu un épervier ou un chat. Tout de suite, j'ai dit, bah, attends. Non, tiens, ouais. Il y a un épervier dans le coin, juste en l'entendant. Non, ça, Fernand, il est bluffant pour ça, parce qu'il a toujours l'oreille attentive pour des toutes petites choses qui passent inaperçues. Pour nous, ce n'est pas des événements, donc on les met de côté. Tandis que toi, Fernand, tu entends des choses que j'entends pas. C'est pour ça aussi que je suis venu ici, hein, dans cette vallée. Ouais. Reculer du Diwa pour ouvrir totalement mes oreilles aux sauvages. Fernand de Roussel. C'est un endroit merveilleux, quoi. Ça faisait déjà bien 20 ans que je cherchais un endroit en France où m'installer. J'ai été explorer la Bourgogne, je suis allé dans le Quercy, enfin j'ai été dans beaucoup d'endroits. Et puis chaque fois, je remarquais que sur les plaines, tout ce qui était plat, tout était de plus en plus dégradé. Et puis le hasard a fait que je suis venu ici pour un insecte qui s'appelle la Decticelle splendide, et qui est vraiment splendide, qui est une sauterelle aptère, donc qui n'a pas d'aile, toute verte, un peu métallique et noire, enfin qui est très très belle. Un soir, donc j'ai bivouaqué au col de Miscon pour la chercher, pour l'enregistrer, et puis ça a fait le tilt, quoi. Je dis, mais c'est là. Rencontre avec la Decticelle splendide. Alors ce chant est caractéristique par cette espèce de bruit de crissement de saccadé. Il y a en sa compagnie sur le côté aussi la Decticelle cendrée, Pholidoptera griseoaptera. Et en fond sonore, des Corticus parallelus, criquet des pâtures. Ça fait comme une étincelle, le son, ça zic, zic, zic. Et puis au fur et à mesure que la température baisse, ça se ziz, zic. Et à la fin, ça fait comme un crissement de chaussures neuves. Cric, cric. Ouais, mais c'est comme un ralentissement. Voilà. Ah ouais. Je crois que tous les 10 degrés, ça perd la moitié de la vitesse. Une cigale qui va chanter à 45 degrés ira deux ou trois fois plus vite que celle qui chantera à 23 degrés. Les insectes sont intéressés par la chaleur. Oui. Ils se réveillent. Grâce à la chaleur. Les cigales ne chantent qu'à 23 degrés. Dès qu'un nuage passe, on passe à 22-21 degrés, toc, elles s'arrêtent. Et les nuits où il y a plus de 23 degrés, elles continuent à chanter le soir. Je vous propose qu'on rejoigne la serre puisqu'il pleut et qu'on abandonne pour l'instant notre projet initial d'aller voir les abeilles. Nous, humains modernes, on vit dans 20 mètres cubes sonores. Tout est en proximité. Oui, et on est privé des tout petits sons qui sont magnifiques. Ouais, il y a une concurrence des bruits de l'Anthropocène. Ah oui, là, oui voilà. Totalement. Là, il y a quelque chose qui vole. Elle est partie. Je pense que c'était une abeille domestique. Ah, okay. C'est la première que je vois depuis que je suis arrivée. Hein. Je suis Emmanuelle Porcher, je suis biologiste de l'évolution et écologue. Je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle où je suis professeure dans le Centre d'écologie et des sciences de la conservation que je dirige aussi. Et je m'intéresse à la reproduction des plantes, aux pollinisateurs et à la relation entre agriculture et biodiversité. Alors là, nous sommes rentrés dans la grande serre du jardin des plantes. Oui, là il fait chaud, il n'y a plus de vent. Là, il y a des plantes en fleurs, mais visiblement, elle n'est pas visitée. Donc là, c'est typiquement un exemple quand même de plante où probablement il y a des interactions assez spécialisées avec les pollinisateurs. Vous voyez que la fleur est très très profonde. Et donc il faut des pollinisateurs qui ont vraiment une grande trompe ou une grande langue. Il y a certaines espèces comme le troll d'Europe, qui est une espèce qu'on trouve dans les montagnes en Europe, qui ressemble à un gros bouton d'or, qui a des fleurs vraiment très très très fermées et qui est pollinisée par un seul groupe de toutes petites mouches qui sont capables de s'immiscer entre les pétales. Ils sont à la fois pollinisateurs, mais ces mouches pondent aussi leurs œufs dans la fleur et les larves consomment une partie des graines. Donc il y a un coût là à être pollinisé. La plante paye en laissant une partie de ses graines. Là, je voyais des figuiers. Il y a une relation particulière avec les... Ah oui, alors les figuiers, c'est un exemple aussi très étudié. Chaque espèce de figuier a son espèce de pollinisateur. Ce sont des guêpes qui pollinisent ces figuiers. Le cycle de pollinisation est très particulier. La figue, qu'on considère comme un fruit, en fait, au départ, c'est ce qu'on appelle une inflorescence, un ensemble de fleurs enfermées à l'intérieur de la figue, avec un seul accès, qui est un tout petit trou. Cet ensemble de fleurs est pollinisé par l'arrivée d'une femelle guêpe couverte de pollen qui va rentrer dans la figue. Le trou est tellement petit que souvent elle y perd ses ailes, voire des pattes en rentrant. Elle dépose du pollen sur les fleurs qui sont présentes et elle pond aussi des œufs. Et quand les larves de la guêpe arrivent à maturité, il y a les mâles qui éclosent d'abord. Ce sont des mâles qui n'ont pas d'ailes, qui vont rester dans la figue et qui vont creuser un trou dans la figue pour que les femelles ensuite sortent. Les femelles émergent juste après les mâles. Au moment de leur émergence, la figue émet du pollen qui vont recouvrir ses femelles. Les femelles s'accouplent avec les mâles. Donc ici, vous avez un croisement entre des frères et des sœurs. Et sortent par le trou creusé par les mâles. Et elles vont re-rentrer dans une autre figue couverte de pollen et fécondée de cette façon-là, et ainsi de suite. Ça, c'est les problèmes acoustiques des labos. Tony Robillard. Je suis spécialiste d'une petite sous-famille de grillons que je décortique depuis 20 ans, en fait. On va d'abord voir la pièce où on fait les enregistrements d'expérience. Mmh. Donc on va au sous-sol. On est dans les parties secrètes du labo. Par contre, je crois qu'il y a des enregistrements en cours, donc on va être discret. En fait, c'est Minkai qui doit être en train d'enregistrer un individu qu'il a testé dans le cadre de ses expériences. Il les met dans la pièce, il a un système pour mimer le cycle jour-nuit qu'on a dans les colonies. Et l'idée, c'est de voir, sur une période de 24 heures, quelle est l'activité acoustique spontanée du mâle. Donc là, il est tout seul, il n'y a pas de femelle, il n'y a pas d'ambiance sonore. Il va juste se mettre à chanter selon son propre rythme. Ensuite, on va relier ça avec son comportement. On va pouvoir voir une caméra haute vitesse aussi pour voir les mouvements des ailes. Là, vous voyez, il y a un speaker. C'est une enceinte ultrason pour voir comment les grillons réagissent au signal. Et à côté, donc de l'autre côté, on a une pièce légèrement insonorisée, ce qui est nécessaire quand on veut faire des enregistrements de bonne qualité. Wow. Et puis on va simplement l'enregistrer passivement avec le micro haute fréquence qui permet d'enregistrer de 3 kHz jusqu'à 150. Donc là, on est sûr de tout avoir et de bonne qualité. Et dans la pièce, on a aussi une ancienne arène que un autre étudiant a utilisée pour faire des expériences, un étudiant colombien. Il mettait un grillon sous le verre et puis il lançait ce qu'on appelle du playback, donc de la repasse en fait. Et puis ensuite il mesurait sur vidéo ce que le grillon faisait en réponse à ce chant-là. C'est vraiment passionnant parce que ça permet d'être en contact avec les animaux qui nous intéressent au départ. Et pas seulement les voyant dans les collections, pas seulement les voyant morts en fait. Bon, après, on est dans un muséum, donc il y a une grande partie de mes activités qui se... où je m'intéresse à des grillons morts. Là, c'est un sonogramme, donc on visualise le son. Donc on a les fréquences en hauteur. Fernand de Roussen. Et là, on a la puissance, la dynamique. Audio naturaliste. Donc on voit bien que les batraciens dépassent à peine le 1000 Hz. Après, on commence à voir des insectes à 5000. On en a un autre là tout seul là à 7000 Hz. Et puis le plus haut, après, là, ça monte entre 9000 et 17000. Donc voilà. Alors là, on passe à un oiseau. Alors lui, il est entre les deux. Lui, il est entre 5000 et 1000. Par contre, on voit bien l'insecte, lui, est bien au-dessus. Donc, il gêne pas du tout l'oiseau. L'oiseau est vraiment tout seul dans son monde, même s'il y a des harmoniques hein, qui vont au-dessus. Donc l'insecte, il doit entendre quand même cette partie, là. Il doit entendre un petit peu quand même l'oiseau. Hein. Alors ça, c'est les rythmeurs, hein, les batraciens, les insectes. Mais attention, parce que, comme je dis toujours, moi, dans la nature, surtout dans le monde tropical, un oiseau peut être un insecte peut être un batracien, et un batracien peut être un oiseau. C'est assez étonnant. Voilà. Ça, c'est un oiseau. Alors, bon, les Australiens le connaissent bien. C'est un oiseau qui vit à l'est de l'Australie. Et je suis arrivé dans la forêt. Et toute l'après-midi, c'est-à-dire pendant 3 heures, j'ai cherché un insecte. Mais j'ai vraiment cherché un insecte. Donc, je cours après. Puis je me disais, mais c'est pas possible. Un insecte ne bouge pas autant que ça. C'est jusqu'au moment où je vois un petit piaf tout verdâtre, couleur olive, se poser devant moi, là, ouvrir grand le bec et me pousser ce son très particulier. Et je dis, ah, bah, j'aurais dû penser à un méliphage. Et Cook, quand il a découvert la Nouvelle-Zélande de son bateau, quand ils sont arrivés au large de la Nouvelle-Zélande, il disait comme ça que c'était une île qui sonnait les cloches en permanence. Mais depuis, ça a été dégradé, bon, ça a été massacré. On n'entend plus du tout ça, hein, ça c'est sûr. Et alors ça, c'est, ouais. Ça, tu vois, ça ressemble beaucoup hein, à ce qu'on vient d'entendre. Hein. Et pourtant, c'est un insecte. Et là, c'est un oiseau. Hein, on est dans la même texture, mais on n'est pas sur le même continent. Là, on est en Guadeloupe. Et là, en Nouvelle-Zélande. Donc, preuve flagrante que les niches sonores sont occupées, en fait. Que ce soit par des insectes, des batraciens, des oiseaux, ça apparaît. Et il a un très joli nom, cet insecte. C'est le grillon forgeron. Le gars, ting, ting, ting, ting. C'est très beau. Il y en a partout, là. Hein. Mais personne ne se chevauche. Alors, si on fait un peu de tri... Enfin... Voilà, on enlève les insectes. Voilà, on n'entend plus que les batraciens. Il n'y a jamais aucune interpénétration et ça se mélange jamais. À quoi ça servirait qu'ils se recouvrent? Ils interféreraient entre eux, ils ne s'entendraient pas et donc il n'y aurait pas les interactions biologiques nécessaires à la reproduction. Ce que vous entendez là, hein, on est bien d'accord, c'est 350 millions d'années d'évolution. Vous écoutez The Sound of Light in Trees, un paysage sonore de David Dunn. 2 ans d'enregistrement condensé en 1 heure de temps. On rentre dans la forêt du... dans la forêt du muséum. Yo Marion. Si tu veux t'enfuir, tu peux. Hein. Moi aussi, on s'enfuir. Je refais un terrarium avec des grillons. Et en fait, je récupère des bébés grillons qui sont... Tout petit, petit, voilà. Petit. D'accord. Et je les transfère dans et un vous autre... Vous les transférez ailleurs. Voilà. Maman grillon. Qui est très précieux aussi parce que pour pouvoir faire des observations, on a besoin de spécimens en bonne santé. Donc là, on entend quelques grillons chanter, mais eux font pas, c'est pas des ultrasons là, c'est des chants plus classiques. Faut savoir que les grillons, il y a environ 5 ou 6 000 espèces. Le mâle qu'on a devant, là, lui, il chante pas. Ceux qui chantent, ils sont derrière, en fait, et ils sont en groupe assez dense. Donc, je sais pas trop si c'est du chant d'appel, là, parce qu'en fait, ils ont un répertoire qui comprend différents chants. Le plus étudié, étudiable, c'est en général le chant d'appel. Mais il y a des contextes comme ça, où il y a des fortes densités, où ils communiquent, ils font plein de choses. On sait pas trop ce qu'ils font, des fois. Donc, ils peuvent être en train de garder la femelle, entre différentes étapes de copulation. Chez ceux que j'étudie, ça peut durer une dizaine d'heures. Donc le couple se forme et puis ils vont rester dans leur intimité pendant des heures avant de se séparer au petit matin. Et on fait plein de super vidéos d'ailleurs de ça. C'est du cricket porn. Il y en a pour lesquels le chant intervient avant et il y en a d'autres qui vont chanter tout le temps. En fait, ils passent des spermatophores, ils ont des petites ampoules pleines de sperme que le mâle va transférer à la femelle. Donc il y a peu de contact, mais ils restent face à face ou dos à dos, ça dépend des espèces, ça varie beaucoup. De temps en temps, ils vont se mettre à chanter, faire des signes avec les antennes, avoir des contacts avec les palpes, et puis se retourner, puis le mâle va se glisser sous la femelle, la femelle va monter sur le mâle, enfin les deux à la fois, et puis là il va y avoir un contact, passage du spermatophore, ils vont se remettre en position, et on attend à nouveau. Bon alors, en tant qu'observateur, on attend beaucoup, il y a très peu d'action et très rapide en général, pour beaucoup d'attentes. C'est toute une séquence de comportement qui va être spécifique à l'espèce. On a des choses qu'on n'a pas encore analysées. Alors, des vidéos, j'en ai des tonnes. Chaque fois qu'on a une nouvelle espèce qui rentre en élevage, on essaye d'avoir 10 à 15 individus qui sont enregistrés. On isole des individus vierges et on va les réunir et on va les enregistrer pendant une nuit entière en fait. On se rend compte qu'il y a du son, mais il y a aussi des vibrations qu'on avait un peu minimisées par le passé. Alors ça intervient au moment où les individus se rencontrent, mais aussi quand ils sont déjà face à face, donc dans la parade nuptiale, il y a énormément de contacts. On en a un qui fait des vibrations à l'envers, donc il se retourne, je sais pas trop, c'est une espèce de danse bizarre. Il saute, il est très excité. Et au début, je me suis dit, bon, c'est quoi ce mâle bizarre, on va refaire avec d'autres individus. Et on a multiplié les enregistrements, il fait toujours ça. Ce genre de vibration sur une plante, ça doit vraiment tout faire voler. Et c'est pour dire aussi à la femelle, t'en vas pas, je suis encore là. Quoi. Et cette interaction-là avec multimodal, qu'on appelle ça multimodal, c'est nouveau. À longue distance, il n'y a pas de phéromones trouvés, en tout cas, on n'en a jamais démontré. Il y a des phéromones qui interviennent évidemment à courte distance, quand ils sont face à face. Là, on a les cinq sens qui interviennent. Tout compte dans une interaction sociale. La vision intervient dans la communication aussi. Il y a certaines fleurs, Emmanuel Porcher. Si on les regarde dans le visible, on a l'impression qu'elles sont homogènes. Si on les regarde dans l'ultraviolet, elles forment une cible avec des cercles concentriques qui indiquent aux pollinisateurs le nectar est ici. Donc ça sous-tend que les pollinisateurs ont une vision particulière. Les hyménoptères, elles voient comment ? Alors, elles voient bien dans les couleurs qui vont du jaune, bleu, jusqu'à l'ultraviolet. Alors, nous sommes dans l'école de botanique du muséum, qui est caractérisée par une grande diversité de plantes qui sont maintenues ici. Malheureusement, on est à une saison où la floraison est passée. Donc pour voir les pollinisateurs, c'est pas idéal, mais c'est un endroit où habituellement, au printemps et en été, on peut voir beaucoup d'insectes qui circulent sur les fleurs. Cette relation entre les plantes et les insectes qui les pollinisent, elle est très ancienne. On pense qu'elle a commencé avant même l'apparition des plantes à fleurs au cours de l'évolution. Donc ça, c'est il y a plus de 130 millions d'années. Et elle a contribué au développement d'une part des plantes à fleurs et d'autre part des insectes pollinisateurs. Ils se sont diversifiés, il y a plein d'espèces qui sont apparues grâce à cette coévolution. C'est bien d'attirer des pollinisateurs, mais il faut préférentiellement attirer des pollinisateurs qui transportent le pollen de sa propre espèce. Une stratégie qui a pu évoluer au cours de l'histoire des plantes, c'est une spécialisation entre les plantes et leurs pollinisateurs. Et un exemple qui est très très connu, c'est une espèce d'orchidée qui a une fleur avec à l'arrière de la fleur un éperon très très long qui fait jusqu'à 30 cm de long et qui avait été décrite par Darwin. Comme il avait en tête sa théorie d'évolution par sélection naturelle, il avait prédit qu'il devait y avoir un pollinisateur qui avait une trompe qui était capable d'aller tout au fond de cet éperon, au fond duquel il y a du nectar. Et à l'époque, on lui avait un peu rayonné parce qu'on ne connaissait pas un tel pollinisateur. Et c'est un pollinisateur qu'on a découvert seulement quelques dizaines d'années après, qui est un papillon avec une trompe qui fait exactement 30 cm de long, qui est capable d'aller chercher le nectar tout au fond de cette orchidée. On la chauffe le matin au soleil. Ça fait un accord. Oh. Il a moins vite. Oh là là, là, ils sont plusieurs là. En fait, ils se chauffent au soleil là. C'est le matin, quand les premiers rayons de soleil arrivent sur les feuilles, les cirfes se chauffent pour reprendre de l'énergie et pour après aller butiner. Alors, on les entend se chauffer avec la trille très aiguë, et puis ils les envolent. Mais là, il y a deux espèces, là, au moins, le cirf. C'est une espèce de fleur qu'on appelle l'onagre. Elles sont capables de détecter les fréquences des battements d'ailes de leurs pollinisateurs et de réagir en augmentant très rapidement la concentration en sucre dans leur nectar, donc le liquide sucré qui est à disposition des pollinisateurs. Et une fréquence qui n'est pas la fréquence de leur pollinisateur, elles ne réagissent pas avec cette augmentation de concentration en sucre. C'est vraiment sur les battements d'ailes des pollinisateurs qu'elles ont évolué. Et là, ils occupent une gamme de fréquences qui va presque de 0 à 10 kHz. Enfin, ils prennent toute la fréquence là pour. Donc c'est du bruit, ça. C'est un bruit fonctionnel, ça. Nous, on peut l'entendre comme de la musique. Oui. Il y a des tricheurs, en fait, dans la relation entre les plantes et les pollinisateurs. Donc, du côté des plantes, par exemple, il y a certaines espèces d'orchidées qui attirent leurs pollinisateurs en ayant des fleurs qui ressemblent aux femelles de certaines espèces de pollinisateurs et en émettant les odeurs des femelles. Et elles attirent des jeunes mâles inexpérimentés qui pensent venir s'accoupler avec une femelle et qui en fait viennent s'accoupler avec une fleur et transportent le pollen à cette occasion. Et chez les insectes, il y a aussi des tricheurs, par exemple des espèces qui, au lieu de rentrer à l'intérieur de la fleur pour aller chercher le nectar, ils passent par l'extérieur et ils vont percer un trou dans la fleur pour venir récolter directement le nectar, sans toucher les parties reproductrices et donc sans participer à la reproduction des plantes. Il y a beaucoup de bourdons qui ont des langues très très courtes qui font ça pour accéder à du nectar qui est un peu profond dans une fleur. Il y a aussi des tricheurs dans la nature. Jean Poinsignon, musicien-compositeur. Dans ce morceau, il y a quasiment que des insectes, sauf qu'à la fin, il y a les cloches des vaches en Auvergne. Mais à part ça, on entend Grillon d'Italie. Et puis aussi, celui qui fait le rythme de cette ritournelle, c'est le grand capricorne, l'insecte qui grignote les charpentes. Mais quand on arrive à le prendre et que, bon, il est vraiment en stress, il pousse un petit cri. Alors, là, c'est très amplifié, hein. Mais si je le fais jouer à l'octave, ça fait ça. Donc, deux octaves. Trois octaves et quatre octaves. C'est le fonctionnement du sampleur. Les insectes qui chantent souvent dans les suraigus, on les entend pas bien, sauf si on ralentit le son. On entend très bien. Par exemple, je vous fais écouter le sphinx à tête de mort, un des plus gros papillons d'Europe. Ouais. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Bravo, si vous entendez encore, c'est bien. Là, c'est le son d'origine, le son dans la nature. Je baisse à l'octave, donc je ralentis deux fois. Deux octaves. Trois octaves. Euh, Et on termine avec 4 octaves. Ouais, c'est un gémissement à vous fendre le cœur, quoi. Enfin... Je voulais vous faire écouter le grillon qui chante à la plus haute fréquence jamais enregistrée. Tony Robillard. Attention, hein, c'est spectaculaire. C'est un insecte d'un centimètre de long. Qui a été découvert en Nouvelle-Calédonie il y a 4 ans maintenant. On l'a appelé Pixibinthus. J'aime bien mettre des noms de fées. Donc j'ai un Gnomintus, un Pixibinthus. Enfin, je m'amuse beaucoup quand je fais des noms. Personne ne m'a rien dit pour l'instant. Voilà. Alors, voici Pixibinthus. Je vous annonce tout de suite que vous n'allez rien entendre, ou presque. Donc là, il chante, là, il se donne à fond. On a 28 kHz pour la fréquence dominante, mais en fait, nous, on ne l'entend pas. Donc, en ralentissant le son, donc là, on va passer de 28 kHz à 7. Ça, c'est en Nouvelle-Guinée. On a l'ambiance sonore de la Nouvelle-Guinée. Alors, vous n'allez pas entendre le son du mâle. C'est des hautes fréquences. Et on les entend un tout petit peu. C'est une espèce de chuchotement. Et la réponse de la femelle, elle est spectaculaire. Elle rue sur la feuille pour lui répondre, en fait. Et évidemment, ça ne fait pas de son. Et si le mâle est sur une plante d'à côté... Il n'en saura rien. Par contre, s'il est sur la même plante, bah là, il va recevoir un signal qui va lui dire « Oh, il y a une femelle pas loin », donc il va continuer à chanter. Et c'est qu'une hypothèse pour l'instant. On pense qu'ils ont un système de... Vous savez, le jeu, quand on est enfant, tu brûles, ah non, tu refroidis. On pense que la femelle va répondre par des vibrations quand elle perçoit bien le mâle. Et quand il s'éloigne, elle va sans doute moins lui répondre. Alors, en vieillissant, les mâles vont chanter un petit peu différemment, parce que la cuticule de l'aile va se rigidifier un petit peu, ils vont perdre des dents dans leur peigne stridulatoire, et donc le chant va changer un petit peu pendant la vie de maturité du mâle. Et à la fin de sa vie, le mâle va plus chanter beaucoup en général, et un jour ou l'autre, il va se faire attraper par un prédateur, une araignée, une chauve-souris, un oiseau... Il y en a plein, ils servent beaucoup dans les écosystèmes à nourrir les autres, en fait. Pour en revenir à la personnalité, entre guillemets, qu'on étudie, c'est aussi pour voir si certains mâles sont plus courageux ou plus explorateurs. Mais c'est un danger, tout ça, parce que plus on chante et plus on attire l'attention, on ne va pas seulement attirer l'attention des bonnes personnes. Et donc, tout ça, ça entre dans des stratégies de vie, en fait, qui va pouvoir être différentes d'un individu à l'autre, et c'est ça qu'on essaie de voir. Ah, ça c'est joli, j'aime bien cet insecte-là. Parce que là, il y a une composition. Tu dois le connaître, toi, Jean, ça. C'est l'Ephippigère carénée. Donc elle chante en vagues, comme ça. C'est très très beau dans les roseaux, dans les petits buissons. C'est beau, hein, ouais. Et dès qu'on rentre dans les grillons, de toute manière. Donc voilà le grillon champêtre. Bon, c'est grillon classique, typique, qu'on met dans tous les films, qu'on met partout, qu'on entend partout. Alors celui-là, quand il n'existera plus, ben, il n'y aura plus rien, je peux te dire. Et pourquoi ? C'est la base même de la prairie. Une prairie sans grillon champêtre, ça veut dire qu'elle a été traitée, faucardée, qu'elle a été surexploitée, qu'elle a été massacrée. S'il n'y a plus le grillon champêtre dans une prairie, ce n'est plus une prairie. C'est de la terre qui reçoit de l'herbe. Pour les insectes, ça se répartit vraiment par milieu naturel. C'est-à-dire quand un milieu est parfaitement adapté à une espèce, là vous pouvez la trouver vraiment en abondance. Là, même ici dans mon petit bout de prairie devant, là, j'ai 4-5 grillons champêtres qui chantent tous les printemps. Là, ça c'est encore un transport de bois. Alors, on va laisser passer. C'est long, hein, passer un camion. Hein. Ah tiens, il y a le parrain des aulnes qui passe. Il y a de la migration là ce matin. Ouais. Bah, le vent est bien là, le vent du nord. C'est parfait pour la migration des oiseaux. Là, ils vont nous passer un peu au-dessus de la tête. On entend une mésange derrière là qui. Je n'ai pas fait d'études particulières sur le niveau de fond sonore ou des choses comme ça. Je ne fais que constater jour après jour, par mes oreilles et par mes enregistrements, l'évolution du paysage. Donc on va évoluer soit vers des silences si on tue tous les animaux avec nos produits et avec toutes les manières dont l'homme a le plaisir de tuer les animaux. Il faut se dire, on fait partie de la nature, on fait partie du paysage. C'est pas le monde sauvage qui est chez les hommes, c'est nous qui sommes dans le monde sauvage. Et on s'adapte, on fait de sorte que tous ces êtres qui vivent là aussi, chez eux, doivent pouvoir cohabiter avec nous. Ce qui m'intrigue quand même beaucoup, c'est une pensée que développent certains ou un ressenti d'une méfiance vis-à-vis de la nature. Il semble effectivement qu'il y ait des personnes qui craignent davantage la nature suite à cette épidémie. Et ça pose la question de, est-ce que pour éviter ces situations, il faut se couper complètement de la nature ? Emmanuel Porcher. Et typiquement, il y a eu des propositions de limiter la végétalisation en ville comme étant une source possible de contamination. Alors dans notre unité, on n'est pas du tout d'accord avec cette proposition. La nature en ville, ça apporte des services très importants aux populations humaines, ne serait-ce que faire tomber la chaleur au moment des pics de canicule. Et ce qu'il faut, en fait, c'est réussir à avoir des écosystèmes fonctionnels avec de la diversité en espèces, pour lequel on a montré que dans ces systèmes fonctionnels et très divers, les épidémies se propagent beaucoup plus lentement. Donc c'est une façon aussi de freiner les épidémies que d'avoir des vrais écosystèmes, y compris à nos portes. Quand on voit les rapports qui vous annoncent qu'actuellement 96% de la biomasse des vertébrés de la planète, c'est soit des hommes, soit des animaux domestiques, et qu'il reste plus que 4% qui ne sont que des animaux sauvages dans les vertébrés, et qui représentent 99% des espèces présentes sur la planète. Ça, c'est des chiffres que les politiques devraient connaître, se dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres ?» Là, il reste un réservoir pour repartir. Essayons de ne pas bousiller ce réservoir qui va resservir ensuite, après l'homme, parce que bon, je pense pas qu'on sera éternellement plus sur la planète, pour laisser une chance à d'autres espèces de revoir le jour, quoi, en fait. C'est un gros bourdon. Hein? Ça te rappelle, ça te fait pas penser un peu ça, hein? Oui. Un bourdonnement, oui. Ça, ou voilà, tu sais, les hannetons qui passent le soir, ouais, à la tombée du jour, là, quand tu les entends des fois dans les micros, c'est... C'est les gros hannetons là, avec donc tu sens qu'il y a les élytres qui, enfin les ailes qui poussent, ben, pour le maintenir en vol tellement il est lourd. Vous pensez que les insectes nous entendent ? Oula ! Est-ce que je me suis posé déjà la question ? Bah, parce que vous les écoutez, vous. Ils nous entendent d'une certaine façon par la vibration. C'est les capteurs sur les pattes, sur les côtés, sur le ventre. Enfin, effectivement, ils nous entendent d'une certaine façon. C'était « Des insectes et des hommes », une émission de Juliette Boutillier et Jean-Philippe Navarre, mixage Benjamin Vignal. Les textes sont lus par Laurence Vielle. Merci à tous les passionnés et au service de presse du Muséum d'Histoire Naturelle, Samia Ramdan, Marine Didier, Blandine Priour, Flore Goldhaber. Et merci à la grande famille de la tribu des entomologistes et aux autres insectophiles.